complète. Je sais que je vais faire beaucoup de peine à mes milliers d'auditeurs. Centaines, disons. OK, dizaines d'auditeurs. Bon, mon auditeur. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, c'est la dernière édition du Undead Incorporated Show Réanimation. Il y aura donc relâche de l'émission pour toute la période estivale, puisque, tout comme les deux dernières années, je céderai la plage horaire de réanimation pour la diffusion du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Peut-être que pour certains, ce sera un soulagement que je ne sois plus en onde, mais ceux-ci, je dirais, vous êtes pas mal cave de vous sentir soulagé par mon absence, alors que vous n'auriez qu'à ne pas écouter réanimation tout simplement, crétin. Mais pour les autres, s'il en est, je ne vous oublierai pas. Ben, du moins, pas d'ici la fin de la journée. Et vous pourrez toujours retourner en arrière avec les podcasts de réanimation diffusés au cours des dernières années via le site de réanimationad.com. Je sais, c'est une très mince consolation, mais en contrepartie, moi, j'en ai rien à foutre. Donc, profitez de ces deux prochaines heures. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous explique quel est le traitement que vous subirez et qu'il ajoute que ce dit traitement devrait durer quelques mois, mais que lui aussi devra s'absenter quelques mois, et que vous lui demanderez « Docteur, et s'il y avait des effets secondaires, qu'allez-vous faire? » Et que sa réponse est « Oh, ne vous inquiétez pas, pour moi, je ne le saurais pas. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, cause I... Pendragon, said so. Let's go. Oh!

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue pour cette nouvelle et dernière édition de réanimation pour la période de ce qu'on pourrait appeler à partir d'aujourd'hui la belle saison, ce qu'on n'a pas eu dans les dernières semaines. Oui, c'est la dernière pour, ce qui reste du printemps puis tout l'été. Comme je l'ai dit d'emblée depuis les dernières semaines et en présentation ce soir, Réanimation cédera sa plage horaire comme les deux dernières années pour la diffusion des parties de baseball des Aigles de Trois-Rivières, donc pour jusqu'au mois de septembre. La date exacte encore n'est pas encore déterminée, mais vous pourrez vérifier au courant du mois de septembre sur le site de réanimationad.com, je l'annoncerai, et bien sûr sur le site de cfou.ca. On vient d'entendre comme bloc d'ouverture un bloc constitué de quatre formations qui sont presque tous européennes, mis à part une, soit avant la pause publicitaire, Destroyer 666, qui était de Melbourne, Australie, auparavant, et qui maintenant réside à Londres, les pièces étant Blood for Blood, tiré de leur quatrième album Defiance, qui est paru en 2009 sur Season of Mist. Un très bon album pour Destroyer 666, dois-je le dire? Oui. Juste avant, de Suède, Bloodbath et Devouring the Feeble, Dévorer les Faibles, voilà. Est-ce qu'ils ont meilleur goût? J'en doute. Tiré de leur troisième album de Fathomless Mastery, qui est paru en 2008 sur Peaceville. Nous avions des Pays-Bas Asphyx et la très bonne Blood Swamp, tirée de Death the Brutal Way, leur septième en carrière, par en 2015 sur Century Media. Et nous avions ouvert avec les Intrus de l'Ohio, des États-Unis. Acheron, très bonne pièce, Church of One, qu'on retrouve sur leur sixième album Rebirth, Metamorphosing into Godhood, qui est paru en 2003 sur Black Lotus Records. Ce soir, trois nouveautés certaines, une quatrième peut-être si j'ai le temps, mais une chose qui est certaine, c'est que la semaine dernière, je vous avais annoncé, si on veut, que je préparerai une surprise. Eh bien, elle aura lieu, cette surprise, ce soir. Je vous en dis pas plus, dans environ peut-être une demi-heure, vous allez savoir de quoi il en va tirer. Je vous propose, par contre, d'aller à l'instant découvrir quelque chose qui pourrait, à ma foi, être assez intéressant. Ah ben oui, t'as raison. Où avais-je la tête? J'avais complètement oublié, Horace, que tu avais un message particulier à dire à nos auditeurs. Eh bien, vas-y donc. Wow! T'en avais long à dire, Horace. Mais tu sais que c'est pas très poli ce que tu viens de dire là, hein? C'est même un peu, je dirais, insolent. Mais t'as raison. Non, on s'ennuiera pas de vous autres. Je vous parle à l'instant de la formation Guard the Throne, formation des Pays-Bas de Drenthe. Formation qui donne dans un Black and Death Metal et leur toute nouvelle parution The World Ablaze, qui est parue le 5 mai dernier sur Metal Blade Records. God of Throne, c'est une formation qu'on a pu voir, nous ici, je dis nous ici, probablement les gens qui sont de l'extérieur, lors du Metal Fest, je crois que c'est le 2012 peut-être, je m'en rappelle plus trop, peu importe. Formation qui existe depuis quand même, je dirais, au moins la semaine dernière, je suppose, 91, avec une pause en 2012, justement, une pause qui aura duré 2 ans. Le groupe s'était séparé pour je ne sais quelle raison, possiblement que ils en avaient assez, parce que ce qu'il faut savoir avec God of Thrones, c'est que c'est un groupe qui est toujours et demeuré un peu underdog au niveau de la scène métal. Et je me demande pourquoi, honnêtement, parce que c'est une bonne formation qui a de bons albums, qui a donné des choses très intéressantes au métal. Une formation qui a une dizaine d'albums à son actif, et en fait The World Ablaze étant le dixième, qui maintenant sont quand même, je dirais, maintenant depuis quelque temps sur un bon étiquette, Metal Blade. J'ose souhaiter que cela va leur donner énormément de tremplin pour être de plus en plus visibles et pouvoir avoir les moyens de faire ce qu'ils veulent, parce que ce sont de bons musiciens aussi. Je vous ai proposé trois pièces de cet album The World Ablaze. Trois pièces qui donnent dans un... On fait un peu le registre, si on veut, de ce qu'on retrouve sur cet album qui passe des vitesses plus accélérées à des vitesses plus, je dirais... lente, c'est peut-être un mot grave, mais disons plus lourd, pour ainsi dire. Donc, trois pièces qui sont respectivement Call to Arms, qui est l'introduction suivie de Annihilation Crusade. On va poursuivre avec On the Wrong Side of the Wire et conclure ce triplé de Guilty Throne avec Escape Across the Ice, The White Army, et c'est une excellente pièce. Let's go! I'm gonna make you mine. bloody veins, praying for a swift ending. Another life is lost, buried in a nameless grave. Another body maimed, praying for a swift ending. On the wrong side of the wire, on the wrong side of the wire, surrounded by the enemy, we hold our ground. Impossible to resist. 19h52. Et toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show. Et on va entendre trois extraits de l'excellent album The World Ablaze. De la formation Godly Throne, formation des Pays-Bas. Leur 10e en carrière qui est paru le 5 mai dernier. Donc c'est la semaine dernière. Sous un bon étiquette Metal Blade. Dernier de la trilogie qui traite de la Première Guerre mondiale, The World Ablaze, selon moi, est un des très bons qu'ils ont fait jusqu'à présent. On y retrouve à la fois puissance et mélodie. Qui aurait dit de moi que dans le métal, j'aurais dit que la mélodie, c'était bienvenue? Ben, à l'occasion, oui, tout à fait. Dans le cas présent, effectivement. Trois pièces qui sont à l'instant Across, Escape Across the Ice, The White Army. Et ce qu'il faut savoir, c'est que The White Army, ben, c'est évidemment une faction des Russes. On the Wrong Side of the Wire, qui pourrait être traduite par Du mauvais côté du fil de fer, était la deuxième pièce qu'on a présentée. Nous avons ouvert avec l'introduction A Call to Arms et Annihilation Crusade, qui sont les ouvertures de cet album. J'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'album. La production est vraiment bien aussi. Et je me rappelle que lorsque j'avais appris, après les avoir vus, ici au Metal Fest à Trois-Rivières, que le groupe s'était séparé, j'avais été un peu... j'avais trouvé ça un petit peu poche, honnêtement, parce que sans être un groupe, comment je pourrais dire, que j'écoute constamment ou très régulièrement, c'est une formation que j'ai toujours appréciée. Et bah, je me suis dit, bon, les choses sont pas faciles... au niveau du milieu underground, j'en conviens, faut faire beaucoup de sacrifices, faut être capable de pouvoir avoir beaucoup de résilience et de s'adapter, et peut-être que par moment, quand une formation existe depuis voire presque 20 ans ou plus, oui plus, ben à ce moment-là, peut-être qu'il est temps de raccrocher ses patins, comme certains disent. Et ils sont revenus en 2014 et nous ont produit ce nouvel album qui vaut vraiment le détour. Je vous amène une petite quelques instants d'une côté cinéma et série télévision, beaucoup plus cinéma que série télévision. Ce qui est à venir dans les trucs peut-être qui seraient susceptibles de vous intéresser au courant du mois de mai et début juin, ben, c'est Alien Covenant, c'est le 19 mai prochain au grand écran. Film de Alien, tout le monde connaît Alien, je suppose. Si c'est pas le cas, ben refaites vos classes là. Ridley Scott, bien sûr, qui est derrière ça. Est-ce que ça vaudra la peine d'avoir refait un nouveau chapitre d'Alien? Bah, pour les effets spéciaux, je n'en doute pas, mais pour au niveau de l'histoire, je pense qu'on avait déjà fait plus que le tour. Mais c'est à suivre. Pour les amateurs des films d'aventure, connotation fantastique, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, c'est le 26 mai avec l'excellent Johnny Depp, une production Walt Disney, bien sûr, à connotation familiale, évidemment, mais peut-être pas pour les jeunes enfants. Et le 9 juin, ben The Mummy. On refait surface encore avec ce sujet qui a été très souvent exploité dans le monde de l'histoire du cinéma. Toujours été un peu attiré par ces films-là. Donc, c'est à suivre. Je sais pas vraiment de quoi ça va avoir l'air, mais c'est le 9 juin prochain. Ce qui est en salle actuellement, c'est King Arthur, The Legend of the Sword, un film de Guy Ritchie, excellent cinéaste Guy Ritchie, qui met en vedette Charlie Hunnam, le Jakes de Sons of Anarchy, et ainsi que l'excellent Jude Law. Donc, c'est une révision, si on veut, là, de la légende du roi Arthur et de Excalibur. Ça risque d'être intéressant, surtout que Guy Ritchie, généralement, fait des trucs qui sont très peu banals. Film que j'ai écouté, j'ai pas écouté grand-chose depuis la dernière émission, parce que, effectivement, encore une fois, j'ai manqué beaucoup de temps. Ben, c'est un film d'aventure avec une réalisation fantastique, ici aussi, qui est un film qui met en vedette Matt Damon et Jing Tian et Pedro Pascal. Pedro Pascal, pour le situer, c'était l'agent colombien dans la série télévisée... Escobar, de Pablo Escobar, qui portait le nom de je me rappelle plus. Allô. C'est un film de Yimou Zhang. Oui, c'est une production qui est asiatique, dans laquelle joue Matt Damon. Ça s'appelle The Great Wall, comme je l'ai dit. Et ça raconte l'histoire... ça se passe sur la muraille de Chine. Soit dit en passant, je savais pas qu'elle avait pris 1700 ans à être construite. C'est quand même pas rien, là. Et qui raconte l'histoire de ce personnage, William Guerin, qui est un mercenaire et qui a pour mission d'aller trouver la poudre noire qui a été, bien sûr, trouvée d'une certaine façon inventée par les Chinois, cette fameuse poudre à canon, si vous voulez. Et il s'est fait capturer, il s'est fait arrêter et... Au même moment, ce qu'il redoutait, parce que évidemment le mur est gardé par une armée en permanence, eh bien le 60 ans est arrivé et des créatures maléfiques retenteront de traverser le mur pour être capables de pouvoir envahir le pays en entier. C'est très prévisible comme film, c'est très stéréotypé, mais en même temps, je dois dire que ne serait-ce qu'au niveau de l'imagerie, c'est vraiment spectaculaire. C'est très, très coloré comme film. C'est vraiment beau à voir. Mais aussi, c'est très, très inspiré des films d'aventure et fantastiques des années 60, un peu naïfs, mais qui sont aussi captivants. Donc, j'ai passé un bon moment de cinéma en écoutant The Great Wall. Comme je le disais, ça fait plusieurs semaines. Non, je n'ai pas encore terminé la 5e saison de Bates Motel. Ça achève. Jusqu'à présent, c'est encore tout aussi passionnant. Il ne me reste que 3 épisodes à écouter. Je dois dire que c'est une excellente série et c'est la saison de clôture, semble-t-il. Donc, Bates Motel, c'est quelque chose à voir si vous ne l'avez pas fait. Partez du début, ça vaut vraiment la peine et vous allez aimer détester Norman Bates. Je disais la semaine dernière que probablement que je pourrais vous parler de une de ces deux séries-là, soit Legion de Marvel, la saison 1, ou bien de Young Pope qui met en vedette Jude Law. Eh bien, ni l'une ni l'autre, j'ai eu le temps de les commencer, de les débuter. Donc, étant donné qu'au fil des mois d'été jusqu'à cet automne, le site de réanimation va rester totalement actif, je vous invite à aller faire un tour à peu près à tous les semaines, facilement. Je vais mettre mes appréciations continuellement, comme je le fais tous les semaines au niveau de séries télévisées, au niveau de films, ainsi que d'albums, bien entendu. Et il est possible, je dis bien possible, que selon le temps qui m'est alloué, vous savez, les émissions, on dirait qu'il y en aura plus pendant une période d'à peu près 4 mois, donc je pondrai peut-être sporadiquement quelques petites capsules qui seront en fonction des nouveautés qui m'auront vraiment plu. Donc, des micro-émissions de réanimation. Donc, vous irez dans la page podcast sur le site de réanimation AD.com et vous pourrez voir qu'il y aura une annotation spéciale pour dire capsule avec la date qui vous consolidera de dire que c'est actuel. Et à travers ça, vous retrouverez, comme les deux dernières années, des balados de diffusion qui seront des années antérieures et peut-être même avec Sinistro, sait-on jamais. Ceci étant dit, nous allons aller en pause publicitaire et tout de suite, on revient avec une autre présentation. La deuxième présentation de la soirée s'adresse cette fois-ci à une formation. C'est un duo de Toronto. Je croyais vraiment, j'ai très peu d'informations sur ce duo qui porte le nom de Deity. Une formation qui donne dans un death black metal, formation canadienne bien entendu, Sylvie de Toronto. C'est leur premier album qui est un album homonyme qui est paru de façon indépendante. On y retrouve John Massey et Danny Alessandro, tous les deux guitares et vocales. Et quand je dis nouvelle formation, oui et non, dans le sens que c'est une percée actuelle pour le groupe, mais ils ont pris 3 années de travail pour pondre cet album. J'imagine pas à plein temps. Mais à la base, D.A.T., c'est une formation qui existe depuis 15 ans. Donc, un premier album que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressant et une dualité parfois entre l'aspect malsain du black metal et la puissance du death. Mais ce que j'ai aussi apprécié, c'est le vocal parfois qui fait très Evil Dead. Donc, je vous propose d'écouter 2 pièces tout de suite de D.A.T., soit Sacrificium et la pièce Unlimited de Unwilling. Let's go! Hey, this is Danny from Deity, and you're headbanging to Reanimation with Dr. Pendragon, CFOU 89.1 FM. Yeah!

20h16, 17 maintenant. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show pour la dernière fois de la saison. Sur C'est Fou 89.1 FM, on vient d'entendre le duo torontois Dave T. Et deux pièces tirées de leur premier album qui est paru le 2, qui est à paraître le 2 juin prochain, soit dans peu de temps. Premier album de façon indépendante. On a entendu à l'instant la pièce Illuminate de Unwilling. Et c'était précédé de leur pièce promotionnelle, si on veut, appeler ça ainsi, Sacrificium. Formation que j'ai trouvé assez dérangée, duo, devrais-je dire, assez dérangée, mais aussi très intéressant par moment. C'est un album qui mérite d'être découvert si vous aimez le métal extrême, bien entendu, assez éclaté, assez explosif aussi. Deity est une formation qui risque de vous plaire, et j'ai eu le plaisir de recevoir cette ID en bon français par Danny Alessandro, qui a eu l'extrême obligeance de présenter leur musique sur les ondes de réanimation, bien sûr. Autre truc que je ne présenterai pas, du moins pas avant un certain bout de temps, mais qui mérite d'être écouté, c'est une formation américaine qui donne dans le occult rock doom metal, Sabbath Assembly. Il s'agit de l'album Rites of Passage qui est paru en version CD et vinyle aussi. Une formation dans laquelle évolue le virtuose Kevin Hufnagel, celui qu'on peut retrouver aussi dans Gorgas, bien sûr, et dans Dysrhythmia. Quel guitariste, j'ai été épaté de le voir aller. En fait, je l'avais déjà vu, oui, mais cette fois-ci, je l'ai vu de très près et j'ai été comme « Wow, quel musicien! » Ce qu'il faut savoir avec Sabbath Assembly, c'est que, évidemment, il y a le qualificatif descriptif rock qui rentre en ligne de compte. Est-ce que ça peut faire mal à des amateurs de métal pur et dur? Possiblement. Mais j'ajouterais que ce n'est pas un occult rock très conventionnel. Monsieur Hufnagel et sa troupe y injectent des trucs qui sont justement très non conventionnels, et on reconnaît bien le jeu de guitare d'Hufnagel dans cette formation. C'est un vocal féminin qui est interprété par comment s'appelle-t-elle déjà, Jamie Myers, qui elle aussi ne chante pas toujours de façon très conventionnelle, ce qui appuie bien le reste du groupe. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Très, très belle présentation, très belle pochette. Qualité d'enregistrement absolument irréprochable. Un album qui a des choses fort intéressantes à découvrir. Donc, Sabbath Assembly et Rites of Passage. Je vous avais promis une surprise. Et chose promise, chose due. Et je vous parle d'une formation qui a vu le jour en 1988 et qui en est à son 8e album, formation de Long Island. Est-ce que je vous donne des indices? Formation qui donne dans un death metal technique, oui. Formation qui fait partie de ceux qui sont les pionnières de ce mouvement, du moins américain, bien sûr. Je vous parle de Suffocation. Suffocation qui lancera son 8e album, Off the Dark Light, le 9 juin prochain, sous étiquette Nuclear Blast. Le 9 juin prochain, je suis d'accord avec vous, c'est dans environ 3 semaines, mais votre petit docteur a réussi à faire aller quelques petits contacts pour vous permettre de vous présenter 4 pièces en primeur de cet album de Suffocation. Donc, on va écouter. Je dois vous dire d'emblée que Suffocation n'a jamais été la formation qui, pour moi, était la plus wow dans le death metal, mais j'avoue volontiers qu'ils ont de bons albums et de bonnes choses, et qu'ils ont eu une dose d'originalité qui aura marqué ce genre qu'est le death metal. Donc, je vous propose 4 pièces tirées de Off The Dark Light apparaître le 9 juin prochain. On va entendre, dans l'ordre Your Last Breath, Return to the Abyss, la pièce titre of The Dark Light, ainsi que Cough Between Two Worlds, Suffocation, en primeur de réanimation. Let's go! 20h40. Il en reste moins qu'il en avait au début. On vient d'entendre, c'était ma surprise pour la fin de saison, c'était 4 extraits de ce nouvel album à venir de Suffocation, formation de Long Island. Leur 8e depuis 88, on calculera comme on voudra, là, mais c'est pas énorme 8 albums depuis 88. On s'entend que il y a 30 ans, là, ou presque. Bon, j'imagine que c'est ce qu'ils ont pu faire. Of the Dark Light, comme je l'ai dit, qui sera sous étiquette Nuclear Blast. On a entendu les pièces Cough Between Two Worlds, précédées de la pièce titre Of the Dark Light, juste avant Return to the Abyss, et en ouverture de bloc Your Last Breath. C'est un album qui est correct. J'ai toujours dit de Suffocation qu'il leur manquait peut-être un petit quelque chose quelque part, là, qui est passé plein à mon goût. Je suis peut-être un peu critique, sévère critique au niveau du death metal. C'est un style que j'aime beaucoup, donc j'en écoute quand même passablement. Et à certains moments donnés, on devient peut-être un petit peu plus difficile. Mais il reste que c'est un bon album. C'est un album que je qualifierais de fort correct. Bon enregistrement, présentation graphique est bien aussi. Donc, à suivre le 9 juin pour vous, amateurs de cette formation. On va tout de suite continuer musicalement, cette fois-ci avec un bloc de 3 pièces qui sera constitué de la formation Six Feet Under, Skyzo, formation de Sicile, Italie. Mais tout de suite, allons-y avec... c'est en fait à cause de mon ami DJ Tower of Death qui m'envoyait sa plus récente acquisition, soit le coffret, le Coroner Autopsy, qui comporte des trucs DVD. C'est disponible actuellement. Donc, je dis, oui, quelle bonne idée, Coroner. C'est un excellent band. On va écouter tout de suite de Lethargic Age. Let's go! Die! Six Feet Under et l'excellente Zombie Blood Curse qu'on trouve sur leur 13e album Unborn, qui est paru en 2013, formation de la Floride sous étiquette Metal Blade. Zombie Blood Curse, c'est pour vous rappeler que Réanimation, c'est ça. Juste avant, Schizo, formation italienne qui existe depuis 84 avec leur l'album Rotten Spiral, qui était leur quatrième, dont j'avais présenté en mars 2016 sur Punishment 18 Records. La pièce étant Skeptic Flesh, album assez intéressant. Cette pièce-là, elle est vraiment pas très piquée des verres. Elle est vraiment très bonne. Et on a ouvert avec Coroner, formation de Zurich, Suisse, qui existe depuis 83, avec The Lethargic Age, tiré de leur cinquième et dernier album original Grin, paru en 93 sur Noise. Il me reste à peine le temps de vous dire que ce vendredi, il est fort possible, mais semblerait que le Rockmaster soit de retour pour Rock Classic dès 11h. Pour les vrais amateurs de vrai rock, tant qu'à moi, je serai de retour à cette émission Rock Classic vendredi le 26 pour célébrer les 27 ans du Rockmaster. Voilà. N'oubliez pas d'écouter notre ami DJ Tower of Death et sa subversive émission Subversion tous les vendredis à 18h30 sur Underground Québec, est disponible en balado diffusion ou podcast sur SoundCloud, ainsi que visiter le site de notre ami, le blog de notre ami Sinistro sur lemort.com pour ses différentes chroniques. Et comme je voulais dire, le site de réanimation AD.com restera actif tout l'été avec les nouveautés, avec les chroniques, parfois critiques, et visitez aussi à l'occasion l'onglet podcast, puisqu'il se pourrait qu'il y ait des micro-capsules de réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce de la formation polonaise 8, une pièce tirée de leur dernier album, Tremendum, leur 10e paru le 5 mai dernier sur Napalm Records. Formation qui donne dans un death metal, mais cet album-là, je le trouve beaucoup plus proche du black. Il m'a plus ou moins plu, mais je vous laisse vous en faire une idée. La pièce Nous Nosom, voilà. Et d'ici là, on se retrouve à Rock Classic et Réanimation en septembre. Eh bien, allez tous vous faire foutre et restez à l'écoute parce que les gens de Matière Noire seront là. C'est